Bonjour, chers élèves, ravi de vous retrouver pour notre troisième leçon. Aujourd'hui, nous allons apprendre à nommer les personnes qui nous entourent, notre famille et les gens avec qui nous travaillons. C'est très important pour se présenter et faire connaissance aussi. Écoutez bien et répétez après moi. Parce que là, je vais aller petit à petit pour que quand même vous sachiez comment on prononce ces mots que je vais vous lire, qui appartiennent aux personnes de nos familles. Voici les mots les plus courants pour désigner la famille et les métiers. Je commence avec la famille. Father. Father. Père. Mother. Mother. Mère. Mère. Brother. Frère. Brother. Frère. Sister, sœur, sister, sœur, son, son, fils. Les Américains disent son, son. Mais il ne faut pas confondre avec le soleil parce que le soleil aussi, on prononce son. Mais quand on écrit, c'est avec U, mais quand on prononce, c'est San. Mais le son, le fils, c'est avec O, son. Mais les Américains prononcent San, my son. OK? Ou my son ou my son, c'est la même chose. OK. Daughter. Daughter. Daughter, fille. Daughter, daughter, daughter. Fille, daughter, fille. Et les Américains disent daughter, daughter, my daughter. Ça veut dire fille. Husband. Husband. Husband, ça veut dire mari. My husband, mon mari. Wife, épouse ou femme. My wife, mon épouse. Grandfather, grandfather, grand-père. Grandfather, grand-père. Là, il y a deux consonnes entre grand et father. Alors là, on avale les premières consonnes. On avale les deux. Grandfather, grandfather, grandfather. Grandfather, grand-père, grandmother, grand-mère, grandmother, grand-mère, grandparent, grandparents, grandparents veut dire grands-parents, grandparents, grands-parents. Uncle, uncle, oncle, uncle, oncle, aunt, tante, aunt, tante, cousin, cousin ou cousine, my cousin. Mon cousin, ma cousine, mon cousin ou ma cousine. Nephew, neveu, nephew, neveu, nephew, neveu, niece, nièce. My niece is here. Ma nièce est ici. Grandson, petit-fils. Grandson, petit-fils. Granddaughter, petite-fille. Granddaughter, petite-fille. Granddaughter, petite-fille. Stepfather, beau-père. Stepfather, beau-père. Stepfather, beau-père. My stepfather, mon beau-père. Stepbrother, stepbrother, beau-frère. Stepbrother, beau-frère. He is my stepbrother. Il est mon beau-frère. Stepsister, belle-sœur. Stepsister, belle-sœur. She is my stepsister. Elle est ma belle-sœur. Father-in-law, beau-père. Father-in-law, beau-père. Father-in-law, beau-père. In-law, ça veut dire que c'est quelqu'un de la famille dans laquelle tu as trouvé ta femme ou ton mari. In-law. Okay? Donc, vous êtes lié par les liens de mariage. Donc, il est ton bon père. Father-in-law, father-in-law, ça veut dire beau-père. Mother-in-law, mother-in-law, belle-mère. I am going to see my mother-in-law, je vais voir ma belle-mère. Brother-in-law, beau-frère. Brother-in-law, beau-frère. Jules is my brother-in-law. Jules, c'est mon beau-frère. Sister-in-law, belle-sœur. Sister-in-law, belle-sœur. Relative. Relative, membre de la famille. Relative. He is my relative. C'est membre de ma famille. Parents, parents. Parents, parents. Parents. They are my parents. Ils sont mes parents. Children, enfants. Children, enfants. Baby, bébé. Baby, bébé. Toddle. Toddle. On peut dire toddle ou toddle. Toddle. Enfant en bas âge qui commence à marcher. Ça total total des fois on dit total total ah she's a total she's a total he is a total total total enfant en bas âge teenager adolescent teenager adolescent I was a teenager when I went to that school j'étais adolescent lorsque j'ai fréquenté à cette école ancestor Ancestor, ancêtre. Alors, ça, c'est les membres de la famille. Il y a maintenant les professions. Et parmi les professions, nous avons teacher. Teacher. Teacher veut dire enseignant. Teacher, enseignant. Student. Student. Élève. Docteur. Docteur. Médecin. Docteur. Médecin. Nurse. Infirmier. Nurse. Infirmier. I am a nurse. Je suis un infirmier. Driver. Chauffeur. Driver. Chauffeur. He is my driver. C'est mon chauffeur. Engineer, ingénieur. Engineer, ingénieur. Lawyer, avocat. Lawyer, avocat. Police officer. Police officer. Policier. Police officer. OK, police officer, ça veut dire policier. Police officer, policier. Firefighter. Firefighter, pompier. Firefighter, pompier. Chef. Chef, ça veut dire chef cuisinier. Waiter. Waiter ou waitress. Waiter ou waitress. Waiter, c'est comme c'est un homme, et waitress, c'est une femme. Ça veut dire serveur ou serveuse dans un restaurant. Artist. Artist. Il y a les R qu'on ne prononce pas. R. On dit c'est R, mais c'est A. Artist. Artist. OK. Artist. Artist. Musician. Musician. Musicien. Musician. Musicien. Pilot, pilote. Pilot, pilote. Astronaut, astronaute. Astronaut, astronaute. C'est presque la même chose. Scientist, scientist, scientifique. Quelqu'un qui est scientifique. Scientist. Architect. Architect, architect, architect, c'est architecte. Baker, baker, boulanger. Butcher, boucher. Butcher, boucher. Hairdresser, coiffeur. Hairdresser, coiffeur. Journalist, journaliste. Journalist, journaliste. Photograph, photographer, photographer. Photographer, c'est photographe. Electrician, electrician, électricien. Plumber, plombier. Plumber, plombier. Mécanique, mécanicien. Mécanique, mécanicien. Salesperson, salesperson, vendeur. Salespersons. Salesperson, ça veut dire vendeur. Salesperson. Dans d'autres pays, ils vont dire person, person. Mais moi, je préfère que vous disiez person, person, person, salesperson. Manager, ça veut dire gérant. Manager, gérant. Secretary, secretary, my secretary, my secretary, ça veut dire secrétaire. Dentist, dentiste. Dentist, dentist. Vet ou veterinary, veterinary, veterinary, ça veut dire vétérinaire ou vet. OK. Comme j'avais encore bien expliqué, si vous pouvez noter ou noter bien, notez si la prononciation et le contexte. In law, on ajoute in law pour désigner la famille par alliance mariage. Step, on ajoute step pour les familles récompensées, récomposées, je voulais dire, récomposées. OK, step father, step mother. Gender, en anglais, because beaucoup, non, gender, en anglais, beaucoup de noms de métiers sont les mêmes pour les hommes et les femmes. Exemple, teacher, docteur ou scientiste. Teacher, docteur, scientiste. Là, ça ne change pas que ça soit femme ou homme. Donc, pour les genres ou gender, parce que gender signifie genre, il y a certains noms qui ne changent pas en anglais. Que tu sois femme ou homme, ça reste invariable comme teacher. She is my teacher. C'est mon enseignante. Ok? He is my teacher. C'est mon enseignant. Ça dépend donc du pronom personnel sujet. Ok. C'est bon. Et puis là, il y a aussi d'autres petits mots difficiles. Et nous allons expliquer comme parents. Attention en anglais. Ok. Attention en anglais. A parent désigne soit le père, soit la mère. Pour dire les parents, on dit parent au pluriel. Sibling, c'est un mot utile qui signifie frère ou sœur. Ou sœur. My sibling. Ok. Job. C'est le mot courant pour dire travail ou emploi. Work signifie aussi travail, mais on l'utilise souvent comme un verbe. Ok. I work, je travaille. Parce qu'en anglais, il y a des mots, beaucoup de mots qu'on utilise comme des verbes. Mais puis ça, on va voir ça. Je ne vais pas vous embrouiller. Comme on est tout au débit. Alors, nous allons faire une petite conversation. Exemple de conversation, question-réponse. Parler de la famille. Question, who is he? Who is he? Pour savoir le nom de quelqu'un, on pose la question, who? Who is he? Tout comme on peut dire, who are you? Who are you, ça veut dire qui es-tu? Who are you? Qui es-tu? Ok? Who is he? Ça veut dire qui est-il? La réponse, ça va être he is my father. C'est mon père. He is my father. C'est mon père. Who is she? Qui est-elle? Who is she? Qui est-elle? C'est différent de comme how are you? How is she? Quand on pose la question avec how, là c'est pour savoir la nouvelle de quelqu'un ou l'état de quelqu'un. Mais quand on pose avec who, vraiment c'est pour savoir le nom de cette personne ou le titre de cette personne. Mais très souvent c'est le nom. Ok. Who is she? She is my sister. And your sister. Question. And your sister? What does she do? What does she do? Et ta sœur, que fait-elle? Parce que quand on veut vraiment savoir le travail de quelqu'un, on pose la question what. Mais quand on veut savoir le nom de quelqu'un, on pose la question who. Ok? Who are you? Qui es-tu? What are you? Qu'est-ce que tu fais? Ok. And your sister, what does she do? Et ta sœur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait quoi? She is a nurse. Elle est une infirmière ou elle est infirmière à l'hôpital. She is a nurse at the hospital. She is a nurse at the hospital. Ok, une autre question. Is your nephew a student? Is your nephew a student? Est-ce que ton neveu est un étudiant? La réponse, yes, he is a medical student. Oui, il est étudiant en médecine. Notre question, who is that man in the photo? Who is that man in the photo? Qui est cet homme sur la photo? Et la réponse, he is my brother-in-law. He is an engineer. C'est mon beau-frère. Il est ingénieur. Who is that man in the photo? He is my brother-in-law. He is an engineer. C'est mon beau-frère. Il est un ingénieur. Ou il est ingénieur. Ok. Un peu de synthèse. Parler du métier. Quand on veut parler du métier, on dit what are you? What are you? Tu fais quoi comme métier? Et on peut répondre I am a carpenter. I am a carpenter. Ça veut dire je suis menuisier. What do you do? C'est la même chose comme what are you? Tu fais quoi dans la vie? I am a soldier. Je suis un soldat. I am a soldier. Je suis un soldat. Question. What is your job? What is your job? On peut dire aussi, what is your job? What is your job? What is your job? Quel est votre métier? I am a teacher. Je suis un enseignant. What does your brother do? What does your brother do? Que fait ton frère? Ou quel est son métier? Et la réponse, he is a doctor. Il est un docteur. Donc, avec tous les mots que je vous ai donnés, il y a beaucoup de noms que je vous ai donnés. Beaucoup de noms. Vous pouvez demander les noms de quelqu'un. Who, en utilisant who. Who is your sister? Who is your father? Who is your grandfather? Who is your daughter? Who is your husband? En utilisant les métiers, who is your pastor? Who is your director? Who is your employer? Who is your... Okay, on peut poser beaucoup, beaucoup de questions. Who is your uncle? Donc, si vous suivez ces cours à la maison, commencez à poser des questions. Who is your boyfriend? My boyfriend is tel, tel, tel. My boyfriend is X. My boyfriend is Y. Okay? Who is your girlfriend? C'est qui est ta copine? Okay? Who is your fiancé? Who is your husband? Who is your wife? Donc, avec who? Et avec tous les mots que je vous ai donnés, vous pouvez faire beaucoup de phrases. Avec aussi les métiers que je vous ai donnés, vous pouvez faire beaucoup de phrases. Who is your doctor? Who is your family doctor? C'est qui est ton médecin de famille? Okay? Who is your preferred musician? Who is your preferred artist? C'est qui ton musicien préféré? Who is your dentist doctor? Okay? Il y a beaucoup, beaucoup de questions que vous pouvez faire. Donc, je vous remercie pour votre patience. Cette leçon était vraiment longue, mais heureusement, on vient de les finir. Le dernier conseil que j'ai pu vous prodiguer, c'est de continuer à pratiquer. Écouter l'audio, écouter la façon dont on prononce les mots, puis appliquez-les dans vos pratiques quotidiennes avec les membres de vos familles, les enfants, les maris, la femme. Utilisez ça au quotidien. Merci beaucoup et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.